not with your real eye. So just focus the mind on the whole body, the back upright, the legs bent, the hands either placed together or on your legs, just without picking out any detail particularly, just try to observe the whole thing. And when you put your attention on the body sitting, make a label, sitting, sitting. Essayez d'englober tout le corps et quand vous regardez, ne regardez pas avec vos yeux réels, physiques, mais avec le regard de votre esprit. Essayez d'observer tout le corps, la partie verticale et les jambes qui sont pliées. Observez le contact des jambes avec la terre. Et quand vous percevez tout le corps, quand vous observez tout le corps, notez assis, assis. Gardez votre attention sur la posture assise. Et noter mentalement, étiqueter, assis, assis. Si ça commence à être ennuyeux de observer juste la posture assise, vous pouvez alterner en regardant le corps, vous étiquetez assis, assis. Pendant un moment, et après, vous portez votre attention au contact de votre corps, au contact de votre postérieur avec votre carré. Vous observez le point de contact et vous étiquetez contact, contact. De cette façon, vous alternez l'observation et l'étiquetage du corps entier. Et après, vous passez au contact du corps, des jambes, du postérieur avec le sol. Nous alternons l'observation, nous observons la posture assise. Et le contact. Quand nous observons la posture assise, tout le corps, nous étiquetons assis, assis. Et quand nous passons au point de contact, nous étiquetons toucher, toucher. Quand vous observez le corps et le point de contact, vous allez peut-être remarquer que vous respirez, qu'il y a la respiration, qu'il y a la respiration. Et cette respiration, vous pouvez la remarquer dans votre abdomen qui bouge. Quand vous inspirez et vous inspirez et vous expirez, l'abdomen va monter et s'abaisser. Donc, vous observez l'extension et la rétraction de l'abdomen. Il se peut que cet exercice sera même plus facile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'étiqueter en disant s'élever, s'élever, s'abaisser, s'abaisser. Essayez de suivre chaque extension et et chaque retour de l'abdomen en notant s'élever et s'abaisser. Si vous voyez que l'esprit est parti, qu'il n'est plus sur la respiration, alors ramenez-le tout simplement et continuez à étiqueter s'élever, s'abaisser. Vous n'avez pas besoin de prolonger ou faire votre respiration. Faire votre respiration plus forte ou plus légère, juste laisser là telle qu'elle est. Si vous ressentez rien par rapport à ce mouvement de l'abdomen, vous pouvez mettre vos deux mains l'une sur l'autre sur votre abdomen et là vous allez sentir le mouvement et essayer d'observer chaque mouvement en notant, en étiquetant, s'élever, s'abaisser. Quand vous commencez à suivre ce mouvement de l'abdomen, quand votre attention suit la respiration, vous pouvez remettre vos mains dans leur position habituelle en continuant à étiqueter le mouvement. Si parfois c'est difficile d'observer ce mouvement, essayez quand même de le faire. C'est le fait que nous essayons, que notre but c'est d'essayer d'observer le mouvement qui va nous permettre de développer la concentration. Donc essayons d'observer et percevoir chaque mouvement. Et quand vous percevez le soulèvement, vous étiquetez et essayez de suivre ce mouvement du début jusqu'à la fin. Et après le soulèvement de l'abdomen, naturellement, l'abdomen va s'abaisser. Et essayer de suivre ce mouvement du début jusqu'à la fin, à chaque fois, à chaque inspiration et à chaque expiration. En essayant de suivre les mouvements de l'abdomen, vous allez peut-être remarquer que l'esprit commence à réfléchir, à produire des pensées. Alors, à ce moment-là, vous pouvez noter, penser, penser. Faites ça 3 ou 4 fois et revenez sur le mouvement de l'abdomen. Il se peut que vous allez ressentir des sensations désagréables comme douleur ou par exemple démangeaison. À ce moment-là, notez ces sensations comme douleur, démangeaison et ramenez votre attention de nouveau sur l'abdomen, sur le mouvement de l'abdomen. Il se peut qu'un son assez fort va vous distraire. À ce moment-là, ramenez votre attention sur l'oreille. Étiqueter, entendre, entendre, entendre. Et en général, la distraction va disparaître après 3 étiquetages. Et à ce moment-là, vous pouvez ramener votre attention sur le mouvement de l'abdomen et de nouveau étiqueter, s'élever et s'abaisser. Si vous ressentez les émotions ou les sensations, comme par exemple la colère, la joie, la tristesse, l'esprit qui n'est pas clair, ou si vous êtes somnolent, notez-les mentalement tel quel. Et en général, l'esprit va les laisser tomber. Et à ce moment-là, vous revenez sur l'abdomen et continuez à noter. Ceux-ci sont les objets principaux que vous avez rencontrés et que vous allez voir, observer quand vous allez développer votre attention. S'il n'y a, il y a aucun objet autre que la respiration, à ce moment-là, vous continuez à observer votre objet principal, qui est la respiration, le mouvement de l'abdomen, et à chaque fois, étiqueter s'élever, s'élever, s'abaisser, s'abaisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et demain, les instructions seront répétées parce que parfois, c'est pas facile de se souvenir. Donc, demain, vous aurez encore des instructions par rapport à comment pratiquer la méditation assise. Or do you have any Ah ouais. Est-ce que urgent vous avez compris les grandes lignes de ce que j'ai expliqué? Oui, yes. Si on fait juste la méditation assise, ce serait trop dur pour le corps. Le corps sera trop rigide. C'est pour cela que nous allons alterner la méditation assise et la méditation marchée. Quand nous pratiquons la méditation assise, alors nous allons choisir un petit chemin où nous pouvons faire à peu près 16 à 20 pas. Donc, nous gardons nous plaçons les mains ensemble et on garde le dos droit parce que si vous mettez pas vos mains ensemble, alors vous allez en marchant, les mains, les bras vont se balancer et du coup, ça va vous distraire. C'est pour cela que vous pouvez mettre vos mains ensemble devant, derrière ou un peu plus haut vers votre poitrine. Essayez de choisir votre petit chemin où c'est facile de voir le début et la fin. De cette façon, vous n'aurez pas à réfléchir où il faut commencer, où il faut arrêter. Et de cette façon, vous pourrez vous focaliser sur votre marche. Quand vous êtes debout, vous ne bougez pas au début, avant de commencer à marcher. Alors, portez attention à votre corps en entier et vous étiquetez debout, debout ou demeurez, demeurez. De la même façon comme quand vous méditez. Vous êtes conscient de tout votre corps et vous étiquetez assis, assis. Donc, dans ce sens, dans cette posture, avant de marcher, votre attention est sur tout le corps. Quand nous commençons à marcher, nous dirigeons notre attention vers nos jambes. Parce que c'est à ce moment-là, c'est les jambes qui fournissent l'effort qui sont en action. Essayez de faire les pas assez lents et notez les pas un à la fois. Donc, vous portez votre attention dans la partie inférieure vers la partie inférieur de votre corps vers vos jambes. Alors vous portez l'attention sur vos jambes et essayez de garder votre attention, votre esprit sur chaque pas et vous notez pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit. Et comme ça, vous allez jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de votre chemin, alors à ce moment-là, vous étiquetez debout, debout. Et pour continuer notre exercice, il faut tourner. À ce moment-là, en tournant, nous étiquetons tourner, tourner, tourner, tourner, tourner. Quand nous avons tourné, à ce moment-là, nous portons notre attention sur tout le corps et nous marquons, nous étiquetons debout, debout. Avant de commencer à marcher, vous portez votre attention sur la partie inférieure de votre corps. Et quand vous marchez, soit vous étiquetez chaque pas en notant pas droit, pas gauche, soit simplement en notant pas, pas, pas ou marcher, marcher, marcher. Après cela, arrivé au bout, vous marquez debout, debout, debout. Et en tournant, en vous tournant, tournez, tournez, tournez. Même si cet exercice est assez simple, c'est très aidant pour la méditation parce que c'est utile de bouger un peu après 1 heure de méditation assise. Ça va relâcher les tensions, ça va vous soulager parce que votre corps, après 1 heure de méditation, sera trop rigide. En plus, marcher, ça permet de faire circuler l'énergie dans votre corps. Et ça permet aussi, ça aide à développer l'effort, l'énergie. Tandis que la pratique assise, ça permet de développer plutôt la concentration. Il est important de garder la bonne position de vos yeux. Donc, essayez de ne pas garder. De ne pas regarder vers le haut, mais plutôt vers le bas, de telle façon que vous voyez à peu près sur 2,5 mètres. Et ne pas regarder autour de vous. Donc, il y a deux choses à faire, c'est de garder la bonne direction des yeux et garder votre esprit sur les jambes quand vous marchez ou sur tout le corps quand vous êtes en train de quand vous êtes en train vous êtes dans la posture stationnaire et de nouveau quand vos jambes bougent à ce moment-là nous apportons notre attention sur les jambes. Donc il y a ces deux choses à faire qui vont vous aider à développer la concentration, c'est la position des yeux et l'attention de l'esprit. Demain, vous avez passé, nous allons pratiquer toute la journée et après la méditation, vous allez sortir de la salle de méditation et essayer de garder, quand vous bougez, vous déplacez d'un endroit à l'autre, essayer de garder votre esprit sur l'activité de marche. Vous essayez de garder votre esprit focalisé sur les jambes. Et de cette façon, vous pouvez observer tout le temps l'activité de marche. dans ce week-end, dans ce week-end court de méditation, puissiez-vous comprendre comment méditer, développer les aptitudes, développer les qualités, et grâce à ça, toucher la paix de l'esprit et au bienfait de la pratique. So, in this short weekend retreat, may you all be able to come to an understanding of how to meditate, be able to gain some skill in doing it so that you can get peace of mind and get benefits that come from this practice. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.